terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Que Dieu bénisse les miens, dis-moi qui tient les rênes. J'avance dans le noir, je reste à l'écart, j'ai pas suivi les règles. Les cartes en main, je bataille en vain pour arrondir les angles. Je sais que je perds mon temps, mais j'aimerais tant voir sourire mes anges. On se perd dans une dans la devise pour des sommats de chiffres. Une flamme, un mousse, 100 grammes de shit, tu connais la devise. On était jeunes, on était cons, on avait pas la cote, non. Capable du meilleur comme du pire pour se payer le balacoste. Oui, oui, j'ai usé mes Nike, zoné de ville en ville. Je traînais dehors à la maison, c'était comme Silent Hill. On était trois, oui, c'était froid, ça parlait pas des masses, non. On s'aime comme ça, y a pas de débat. Et puis c'est pas plus mal. De l'eau a coulé sous les ponts, Dieu merci j'ai grandi. Encore hier je sortais de mes gonds à chaque sujet sensible. Y'a pas de récit sans sas, c'est dans les larmes que j'ai noyé ma rime. L'épée sur terre, je veux m'éloigner de la rive. J'suis comme bloqué dans l'ascenseur, mon rêve j'étouffe. Envoie les masses, la scène si je roule un buzz, j'mets tout. Foncer dans le mur, j'connais, suffit d'aller tout droit. Ce monde est sourd, noir, ce monde est fou. J'suis comme bloqué dans l'ascenseur, mon rêve j'étouffe. Envoie les masses, la scène si je roule un buzz, j'mets tout. Foncer dans le mur, j'connais, suffit d'aller tout droit. Ce monde est sourd, noir, ce monde est fou. Nique les appels à l'aide, mon ref on s'est fait seul. Faut que ma lia CP6, plus de 500 veuches dans le compresseur. Je veux me casser loin d'ici, le vent, la pluie, le vague à l'âme. Mouffe la santé, je manque d'air depuis les années bac à sable. Béra, je suis bon qu'à cela. Basket, casquette, sur vêtements cosla. 10 ans plus tard, ça t'étonne pas de nous voir signer contre un an. On mange les miettes, mais nique. C'est comme un rêve de gosse qui se réalise. Mais sur la route, j'ai perdu quelques potes. Je rallume une clope, sers-moi un café noir. Dis-moi ce que t'as fait de mal, mon ref, je te dirai qui tu es. Non, je déconne, y'a pire que soi, il serait temps de percuter. Parlons peu, pas se faire du paix, car jeune du père veut se faire du blé, ouais. Demain c'est loin, plus le temps pour que je passe mon tour. Mais la tourmente donne le tournis, je croise la mort au tournant, joue les tours, dis tu sais, je ferai pas long feu, tout comme mes packs de weed. J'aurais tout dit, je suis la fourmi qui s'est fait fumer par Doui. Je suis comme bloqué dans l'ascenseur, mon rêve, j'étouffe. Envoie les masses, la scène, si je roule un buzz, je mets tout. Foncer dans le mur, je connais, suffit d'aller tout droit. Ce monde est sourd, noir, ce monde est fou. Je suis comme bloqué dans l'ascenseur, mon rêve, j'étouffe. Envoie les masses, la scène, si je roule un buzz, je mets tout. Foncer dans le mur, je connais, suffit d'aller tout droit. Ce monde est sourd, noir, ce monde est fou. Envoie les masses à cesse, je roule un peu, je mets tout. Foncer dans le mur, je connais, suffit d'aller tout droit.